Ndikomanyanga. Ansel Melambona sur la mise en onde. Bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Sanganiro, à ce journal, l'édition de la mi-journée de ce mardi 21 mars 2023, dont voici d'abord le sommaire. La hausse des prix généralisée dans ces derniers jours impacte négativement la vie des Burundais. Parmi les causes principales de cette inflation, selon le président de l'Olucom, figure l'opacité dans l'octroi des marchés publics, l'immixion des autorités dans le commerce et la faible production voulant entrer. La pénurie du carburant de type gazoil fait parler d'elle dans la province Kirundo. En conséquence, le prix du ticket de transport a sensiblement monté. Les habitants de Kirundo appellent le gouvernement à trouver solution à ce problème qui se pose toujours. La pauvreté dans les ménages a fait plus de 4300 cas d'abandon scolaire soit enregistrés en province Rutana au cours de ce deuxième trimestre. Vous l'entendrez également. En actualité internationale, les manifestants ont été tués ce lundi par la police dans l'ouest du Kenya lors d'une journée d'affrontement entre forces de l'ordre et partisans de l'opposition qui a appelé à de nouvelles mobilisations hebdomadaires contre l'inflation et le gouvernement William Ruto. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La hausse des prix généralisée dans ces derniers jours impacte négativement la vie des Burundais. Lors d'une conférence de presse de ce mardi, Gabriel Rufyiri, président de l'Olucom, signale les écoles à régime d'internants qui ne parviennent pas à nourrir les élèves convenablement. Il explique que parmi les causes principales de cette inflation figure l'opacité dans l'octroi des marchés publics, immixtion des autorités dans le commerce et la faible production. Il lance un appel au gouvernement de résoudre ce problème. On l'écoute. Les membres de l'Olucom réunis en Assemblée Générale ont constaté avec regret la hausse généralisée des prix des produits, que ce soit des produits burundais, produits localement et des produits importés. Malheureusement, on ne voit pas ce que le gouvernement est en train de faire pour freiner cette hausse généralisée. Cette situation, malheureusement, est aggravée par la pénurie répétitive des produits pétroliers, notamment l'essence. Mais actuellement, nous voyons que même le diesel, mazout est aussi concerné. Avec toutes les conséquences que vous connaissez, aujourd'hui, on nous parle qu'au niveau des prisons, au niveau des écoles à régime d'internat et au niveau d'autres entités où il y a beaucoup de gens qui sont ensemble, ne parviennent pas à avoir de quoi manger facilement. Il y a aussi la hausse généralisée des prix de transport à l'intérieur du pays. Donc, c'est très difficile de citer les conséquences qui émanent de cette situation. Mais ce qui est sûr, ce qui est visible, les Burundais se trouvent dans la croisée des chemins. Malheureusement, nous attendons dans la bouche de certains hauts dirigeants de la République qui donnent des messages qui ne sont pas vraiment dignes de nom en provenance de l'autorité de Soha. Imaginez donner un message pour dire que les Burundais doivent tout faire pour donner de quoi à manger aux Blancs. Nous pensons que c'est un langage à décrier et à dénoncer. Pour nous, il nous faut des actions concrètes. Il nous faut un langage réconciliant. Il nous faut nous montrer un chemin par lequel on doit passer pour lutter contre ce fléau. De la hausse généralisée des prix, au Burundi, il y a une faible production au niveau local, mais aussi par rapport à la mauvaise gestion du peu qu'on a produit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le problème en rapport avec les importations. Nous voyons que le gouvernement, en principe, devait tout faire pour importer beaucoup de produits qu'on en a besoin. Certes, on n'a pas de devise, mais là aussi, c'est une responsabilité de l'État. Face à cette situation très inquiétante, premièrement, demander de constituer les stocks stratégiques, que ce soit le stock pour les produits pétroliers, mais aussi pour d'autres produits. Entre autres solutions, l'Olucom recommande la mise en place d'une politique de regrouper les habitants dans des villages. Écoutez encore une fois Gabriel Rufyiri. Le gouvernement doit mettre en place une politique de regrouper les gens dans le village et obliger toutes les nouvelles constructions qu'ils soient en étage pour libérer l'espace laborable. Parce que si tel ne serait pas le cas, il sera très difficile avec cette démographie d'avoir les terres à cultiver. Mais aussi, ils ont demandé à ce que le gouvernement initie la politique d'irrigation. On n'a pas compris comment les pays comme l'Égypte, l'Éthiopie et d'autres pays où il n'y a pas d'eau pluie puissent avoir de quoi à manger au moment où au Burundi, nous avons la pluie presque toute l'année, en disposant des rivières que vous connaissez, on puisse manquer vraiment de quoi à manger. C'est grave. Tout cela est lié en fait à la vision, mais aussi est lié à la priorisation des politiques du gouvernement. Il faut moderniser aussi notre culture. C'était là Gabriel Ofsiri dans ses propos recueillis par ma consoeur Didi Gahimbari. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Cap sur Kirundo, où 4 jours viennent de s'écouler dans cette province sans qu'il y ait un mouvement de véhicules de transport des agences, surtout les bus. La raison est la pénurie du carburant de type diesel. Les passagers disent qu'ils sont fatigués de cette situation où ils sont contraints de suspendre leur voyage ou tout simplement accepter de payer lourdement. De Kirundo à Ngozi, il paie sur les voitures Probox 10 000 francs bout. Et pendant la nuit, il revoit la hausse pour faire 15 000 francs bout, alors que dans les conditions normales, il paie 7 000 francs. De Kirundo à Bujumbura, pour les mêmes taxis, on doit payer 35 000 francs, alors que sur les agences de voyage, on dépasse 13 000 francs burundais. Le détail avec Abraham Safadi. Selon des informations émanant des agents, des compagnies d'agences, que ce soit Volcano ou autre, ils ont suspendu les activités momentanément il y a presque 4 jours. La raison est le manque de carburant de type diesel. Des passagers sont obligés de suspendre leur voyage ou encore d'autres sont obligés de se déplacer à bord des voitures de type Probox où ils paient une somme de 10 000 francs de Kirundo Ngozi. À la tombée de la nuit, les chauffeurs revoient à la hausse jusqu'à 15 000 francs, alors que dans les situations normales, le même trajet est payé à 7 000 francs pour les Probox et 6 500 pour les bus des agences. De Kirundo Bujumbura ou vice-versa, le coût est de 35 000 francs pour les Probox, alors que sur les agences, on paie un ticket de 13 500 francs. La population de la province de Kirundo signale qu'elle est fatiguée par cette situation de pénurie de carburant, ce qui se répercute également sur les prix au marché. Il demande au gouvernement de mettre parmi les priorités ce problème de carburant. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Merci à Abraham Safar pour tous ces détails. De Kirundo, rendons-nous en province Rutana, où plus de 4300 cas d'abandon scolaire ont été enregistrés dans la direction provinciale de l'enseignement de Rutana. Des causes avancées sont entre autres la pauvreté dans les ménages et les travaux champêtres dans la plaine de Kumoso, selon les responsables de l'éducation dans cette province. Ces derniers souhaitent l'implantation du programme des cantines scolaire qui pourrait diminuer ces cas d'abandon scolaire. Le point avec Moïse Misango. Les données fournies par la direction provinciale de l'enseignement à Rutana placent la commune Giharo à la tête des communes où s'observent beaucoup de cas d'abandon scolaire. Certains parents de la colline Rougué de la commune Bukemba trouvent que leurs enfants n'ont pas l'engouement de l'école. Je ne peux pas dire que les parents ont un rôle, mais plutôt font tout pour que leurs enfants étudient, mais ils abandonnent. Il y a ceux qui travaillent dans les champs de riz, mais pour le moment, ils sont sur les hivernales. Le directeur de l'école fondamentale d'Orugué dans cette commune, la seule école sur cette colline, affirme que son école fait partie des écoles qui enregistrent plus de cas d'abandon scolaire. Marcus Munezero place les travaux champêtres, surtout les écoles, parmi les causes majeures de ces cas d'abandon. Cette école fait partie des écoles où s'observe beaucoup de cas d'abandon scolaire. C'est une école qui est proche de la plaine de Kumoso, ce qui devrait être une opportunité. Mais lors du sarclage du riz, les enfants abandonnent souvent. Pour la rentrée scolaire, j'avais 608 écoliers. À la fin du premier trimestre, j'avais 550 élèves. Ces cas d'abandon continuent à s'observer car des enfants partent pour des travaux champêtres et les parents ne les sensibilisent pas pour l'école. À la direction provinciale de l'enseignement à Rutana, l'on donne un chiffre de plus de 4300 cas d'abandon. Louise Jimilmana est la conseillère chargée des planifications et des statistiques à cette direction. Nous avons enregistré à la fin de ce premier trimestre 4302 abandons au fondamental. Parmi ceux-là, il y avait 1839 filles et 2453 garçons. Au poste fondamental général pédagogique, 96 élèves ont abandonné l'école. Parmi ceux-là, nous avons enregistré 53 filles et 43 garçons. Au poste fondamental technique, 13 élèves ont abandonné l'école pour des raisons multiples. Parmi ceux-là figuraient 6 filles et 7 garçons. Cette conseillère souhaite l'instauration du programme des cantines scolaires dans cette province, estimant que ce programme peut contribuer dans la réduction des cas d'abandon scolaire. Notre province scolaire n'est pas concernée par ce programme de cantine scolaire, étant donné que cette pauvreté est la principale cause d'abandon. Nous aimerions que ce programme soit organisé ici chez nous aussi pour que nos élèves puissent continuer leurs études. Des séances de sensibilisation sont organisées à l'endroit des parents pour inverser la tendance, conclut la conseillère. Merci à Moïse Misango de retour de Rutana. En actualité nationale, parlons environnement. Le chef de la Commission technique nationale de la sécurisation, l'ACUS, prévient plutôt les habitants vivant au bord du lac Tanganyika qui construisent des petits bars dans l'espace public au bord de ce lac. Le colonel Jean-Baptiste Biringende a fait un déplacement ce mardi à l'endroit communément appelé Kumasé dans la zone Ngagara en commune urbaine Nahangwa. Il a fait savoir que les propriétaires de ces petits bars jettent des déchets dans le lac, ce qui menace le lac et les êtres vivants aquatiques. Des bateaux qui utilisent le filet Maya dans la pêche ayant été détruits. Le pont Kanyosha sur la route Bujumbura-Rumonge RN3 est menacé par un ravin creusé par la rivière Kanyosha en cette période pluvieuse. Ndaba Niwe Amelien, chef de cellule de Kinogono au quartier Moussama 1 en zone Kanyosha, alerte que si rien n'est fait dans l'immédiat, les maisons toutes proches et le pont sont sous menace. Elle demande que les extracteurs de gravier et de sable soient délocalisés plus loin parce que leur activité empire la situation. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Actualité internationale. En actualité internationale au Kenya, le chef de l'opposition kenyane Raila Odinga a appelé ses partisans dimanche à participer en grand nombre aux manifestations contre la vie chère qui se tiennent dans tout le pays lundi et qui vise à exiger le président William Ruto qu'il prenne des mesures pour contrer l'augmentation du coût de la vie. Ces manifestations ont déjà suscité l'inquiétude des commerçants de la capitale Nairobi qui devraient être nombreux à fermer leurs boutiques à mesure que la tension monte. Répondant à l'appel d'Odinga, le président Ruto a déclaré qu'il ne permettrait pas aux leaders de l'opposition d'inciter à la violence dans le pays. Entre-temps, un manifestant a été tué ce lundi par la police dans l'ouest du Kenya lors d'une journée d'affrontement entre forces de l'ordre et partisans de l'opposition qui a appelé à de nouvelles mobilisations hebdomadaires contre l'inflation et le gouvernement William Ruto. La visite d'État de 3 jours en Russie entamée ce lundi 20 mars par Xi Jinping, le président chinois, a commencé par un tête-à-tête informel avec Vladimir Poutine. Les deux dirigeants ont notamment évoqué le plan de paix de Pékin pour l'Ukraine. Avant ce mardi, la partie officielle, notamment la signature d'accords de coopération que le Kremlin annonce nombreux. Entretien avec Andrei Kourtounov, directeur général du Conseil russe pour les affaires étrangères, un think tank créé par décret présidentiel. Après le rejet des motions de censure à l'Assemblée nationale française et faisant elle-même suite au recours du gouvernement à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sa réforme, les syndicats appellent toujours à la mobilisation contre la réforme des retraites de lundi soir. Des tensions ont éclaté à Paris et des rassemblements se sont déroulés dans toute la France. Le président Emmanuel Macron compte s'exprimer sur les zones des radios et télévisions opéra en France. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anselme pour sa parfaite collaboration technique et la présentation. Vous étiez avec Évariste Ndikoubanyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous.